Alors, pour ce soir, le 6 40 est le 3, ouais. 2, puis. 6, à 7, 9, 14, 23, 46 non, et 82. Ah! T'es con! Non, on a gagné! T'es con! Oh, shit! Oh, t'es con, mais des millions de dollars! Oh, t'es mal! J'ai tout de la merde, à sort que j'ai d'argent. J'pense pour un génie en herbe. Quelle la vérité au bout du portefeuille. Mais j'ai même trop d'orgueil pour faire avoir peur de seul. La pauvreté, pis venez pas m'achaler parce que j'suis trop gratin. Mes scènes, c'est les miennes. À sort que j'ai d'argent, j'me tiens des soirées mondaines en train de m'envoyer d'alcool de qualité à travers la bédaine. Fuck les 40 pis les chaînes de la balle. À sort que j'suis rendu quelqu'un, si tu m'assines, mode batte. T'es jeune et frère, j'm'en casse ton hymen. Ton père est d'accord, tout j'irai que ses problèmes. D'argent, l'argent contrôle le monde, fait que je le contrôle. Tu vas me traîner en cours, ben c'est encore drôle. La juge l'a acheté, ton avocat j'ai sauté. J'suis pas n'importe qui, j'suis le gars qui a gagné à bébé. Puis j'm'achète une île, pas loin du Brésil. Dans le fond, j'm'en grise la tête, l'important c'est que le soleil brille. Avec des filles aux gros missiles qui font la file, faut que je les empile. Ça va bien paraître dans mes clips. 2-3 000 supplémentaires à celles qui bougent du cul plus vite. J'ai pas fait de placement, fait que tranquillement, mon argent s'en va. J'ai pas fait attention à ma santé, fait qu'elle s'en va. J'voudrais bien être un tabac, mais j'ai plus un sou. On prend les moyens du sport pour faire des cuts. J'ai gagné des millions, là j'arrête de faire le con. J'fais le fou, j'fais ce qui me plaît, point c'est tout. Quand j'veux des cossins, c'est plus au dollar à moi que j'vais, c'est dans les boutiques spécialisées. C'est plus cher, j'sais pas à quoi ça sert, mais ça fait snob anyway. J'conduis mon auto, mais j'ai pas de permis. Pis si la police m'a confisqué, j'm'en calisse, j'en achète un autre. J'ai pas déménagé, mais comme à Westmount, en avant de chez nous, j'ai fait installer un stop illuminé. J'sais pas à quoi ça sert, mais ça fait snob anyway. L'argent change le monde, pis après, qu'est-ce que ça fait si j'deviens bête? Ma blonde, mes amis, ma famille, ma hiche, j'm'en crisse, j'en achèterai d'autres. Autre chose avec ça, où j'vais prendre ça, ça pis ça là-bas. J'paye tout avec mes cartes de crédit sans savoir comment ça coûte.